Je me suis levé de bonne heure ce matin, l'esprit fascinateur, changer de vie, enfin partir sans prévenir, soudain prendre le train, oh, oh. Pour revivre autre chose, un nouveau refrain, suis-je en train de rêver ou suis-je différent, de vouloir tout quitter, de voir le monde différemment. Alors viens si tu le veux, changer de vie enfin. On fera nos adieux en chantant ce refrain. Viens nous accompagner avec ta guitare, commence à chanter, arrête de broyer du doigt, apprécie cette vie. Change-la si tu le veux. Et pas au bord d'un comptoir, se détruire peu à peu. Si tu veux l'évasion, change un peu ton quotidien, crée ta propre chanson, ne reporte pas au lendemain. Alors viens à mes côtés, changer de vie enfin. En chantant ce refrain, si tu es triste et que tu noies dans tes soucis, deviens un art, donne une forme à ton récit, rêve d'être musicien et de faire des concerts qui tournent bien. Viens à mes côtés pour jouer cette chanson. C'est la réalité, retrouver la sensation d'être enfin utile dans cette vie si futile. Alors viens si tu le veux, changer de vie enfin. On aidera les gens malheureux en chantant ce refrain. Sa vie sans aucun regret, sans regarder derrière soi, aller toujours de l'avant, retrouver une vie normale et arrêter de rêver, retrouver son quotidien, prétendre que tout va bien, soudain se réveiller, se dire que tu as rêvé, se lever et partir de nouveau travailler. Changer de vie enfin. On partira en mer en chantant ce refrain. Alors viens si tu le veux, changer de vie enfin. On fera nos adieux en chantant ce refrain.